Lettre quatrième, Agathoclès à Phocion, Rome, janvier 301. Je suis à Rome, et si je ne t'ai pas écrit depuis 15 jours, ne l'attribue, je te prie, qu'à la nouveauté des objets qui m'entourent et à l'effet qu'ils ont produit sur moi. Je n'ai point trouvé ici la gaieté qu'on me promettait à Nicomédie. Rome est peut-être l'endroit le moins propre à me guérir. Suis-je en effet malade? On se l'imagine parce que je ne puis vivre comme mes alentours. Leurs travers me rendent singulier à leurs yeux, et leur folie est insupportable aux miens. Je n'exige point l'impossible, mais la vérité, la vertu, l'ordre et les mœurs leur paraissent trop difficiles. C'est la principale cause de nos disputes. Le siècle est malade, et non celui qui a le courage de le dire d'après son intime conviction et les preuves authentiques qui nous restent du passé. Comment donc pourrais-je vivre parmi les Romains et m'y plaire? Pour ne point abuser de ton temps, je passerai sous silence mon voyage. Il te suffira sans doute de savoir que je suis arrivé à Rome avec l'esprit plus tranquille. Ma longue navigation, l'immensité de la mer, la contemplation continuelle des astres en agrandissant mes idées, les avaient portés au-delà de ce monde. Toi, l'instituteur de ma jeunesse, toi qui connais si bien les sensations de mon âme, tu comprendras quelle singulière impression j'éprouvai lorsque notre vaisseau entra dans l'embouchure du Tibre, et que je touchai au moment de voir les lieux mêmes où s'étaient passées ces grandes scènes dont les récits m'avaient si vivement ému. Mon cœur battait avec force. C'est ainsi que j'arrivai à Rome. Je crus voir planer au-dessus du Capitole les mains de nos illustres ancêtres. Je voyais tout revivre en souvenir. Mon conducteur me mena, à travers les rues remplies de monde, dans la maison de notre ami Lucius Pison. Je passai devant nombre de statues. Je foulai à chaque pas le sol qui avait été témoin de 1000 actions sublimes, et mon cœur était saisi d'un saint respect. Je pris la ferme résolution de parcourir ces lieux le plus tôt possible. Arrivé au portail de la maison, je fus reçu par une foule d'esclaves richement habillés. On me fit entrer dans le vestibule. Les statues des membres de la famille des Pisons, dont plusieurs vraiment remarquables, étaient rangées dans cette pièce. Leur présence auguste me fit paraître le temps beaucoup moins long, car je m'aperçus, au cadran solaire, que l'on me faisait attendre depuis longtemps. Enfin arriva un esclave d'une figure charmante, parlant très bien le grec. Il me conduisit à travers une longue file d'appartements somptueux et ornés de vases, de peintures, de tableaux, de statues, et me fit entrer dans le cabinet de Lucius Pison. C'est un homme rare. Quoique vieillard déjà, il est encore vigoureux, rempli d'esprit et de noblesse. Il ne se montre jamais mieux que lorsqu'il est éloigné de la magnificence qui l'entoure, et il cache soigneusement la supériorité de son esprit. Le père m'a plu infiniment mieux que ses fils. Ce sont des jeunes gens qui ne sont pas dénués de mérite, comme d'autres dont j'ai fait la connaissance dans cette maison. Mais le siècle a cependant beaucoup influé sur eux, en sorte qu'ils sont moins estimables qu'ils n'auraient pu l'être. Avant le souper, je fus présenté à la fille de Pison. De par tous les dieux, c'est une personne charmante. La voix de la renommée avait excité toute ma curiosité, et je la trouvais, sous tous les rapports, mieux encore que je ne m'y attendais. Un attrait irrésistible, et dans sa figure et dans son commerce, entraîne en dépit de la raison, car il est difficile d'avoir plus de travers dans l'esprit et plus de légèreté dans les principes. Issue d'une des premières maisons de Rome, Calpurnia Pisona, la fille du respectable Lucius, ressemble par ses vêtements et ce qui l'environne à une courtisane. Mais cependant elle ne se permet jamais la moindre chose, soit dans ses manières, soit dans ses propos, qui puisse blesser et la bienséance et la modestie. La personne qui me plairait incontestablement le mieux entre toutes les connaissances que j'ai faites à Rome serait Sextus Sulpicius, si une expression de dureté et même, je crains de le dire, d'avarice, ne se peignait sur sa physionomie. Il a sacrifié son aimable fille sans consulter son bonheur, et seulement par ambition. On dit que Sulpicie est belle, vertueuse et très malheureuse d'être unie à un vil débauché de la famille des Anicius. Je me réjouis de faire sa connaissance. Notre ami Tiridate est aussi le sien. Je n'ose approfondir s'il est davantage, pour ne pas perdre l'estime qu'elle m'inspire. J'ai déjà écrit 2 fois à mon père, une fois de Corinthe, par le retour d'un bâtiment, et la dernière fois de Rome. Je n'oublierai jamais le respect que je lui dois à titre de fils. Du reste, je ne puis rien faire de ce qu'il attend de moi. Je ne puis vivre ni agir comme lui parce qu'il m'est impossible de penser et de sentir à sa manière, et que le bouleversement total d'un être fort de sa vertu et de ses principes ne saurait être l'ouvrage de la contrainte. Les circonstances, le temps et la séduction peuvent produire quelque effet, mais là où la conviction est inébranlable comme elle est la mienne, il ne peut rien espérer, et je n'ai rien à craindre. Il m'a fait quitter Nicodémie pour que j'apprenne dans d'autres pays que mes idées sont romanesques, mes prétentions à l'égard de l'humanité trop exigeantes, et mes principes de bien public trop exaltés. J'ai obéi. Permets que je t'avoue qu'il ne m'en a pas coûté beaucoup, car une voix intérieure me disait qu'un père et un fils ne doivent pas penser si différemment, et dès que ce malheur arrive, il vaut mieux qu'ils se séparent. Mes idées resteront éternellement les mêmes, et le séjour de Rome n'y apportera aucun changement. Je ne puis assez te dire combien cette ville et ses habitants me déplaisent, et je crois volontiers ce que m'a dit Tiridate, le seul être avec qui j'aime à parler dans ce gouffre de vices et de folie, que c'est précisément le contraste avec le temps passé, qui, en se montrant avec tant d'audace dans les descendants de leurs plus dignes ancêtres, augmente encore mon aversion pour eux. Non, Phocion, mon père n'aurait pas dû m'envoyer à Rome. À tout prendre, cependant, je ne suis pas mécontent d'être ici. J'étudie beaucoup, je gagne en expérience, je vois plusieurs monuments qui attestent les arts des heureux temps qui ne sont plus, et j'ai le plaisir de cultiver la connaissance de nombre d'hommes lettrés. Mes heures sont partagées entre les exercices du corps et ceux de l'esprit, les jouissances et l'application. Tu sais que j'ai besoin seulement de liberté et de loisirs pour être content. C'est tout ce que l'homme peut et doit désirer. Chacun n'est-il pas aussi heureux qu'il croit l'être en effet? Si parfois des idées sinistres s'élèvent dans mon âme, c'est à la force d'esprit à les chasser. L'homme n'est pas né pour être heureux. Son but est d'être vertueux et bon. N'oublions jamais cela. Attachons-nous à cette grande idée et supportons avec courage ce que le sort nous réserve.